À voix nue. Je tiens à préciser pour ces entretiens qu'on va avoir que si je vous pose des questions, c'est à vous. C'est-à-dire que ce n'est pas à la science en personne, n'est-ce pas ? D'abord, la science. D'abord, je ne suis pas la science. Est féminine. Et puis en plus, c'est vraiment à vous, à votre itinéraire, à votre cheminement, tel que j'ai découvert à travers vos œuvres. Et en ce qui me concerne également, je précise tout de suite que je ne suis pas du tout le représentant de la littérature, ni de l'écriture, mais quelqu'un qui, comme vous, a eu un cheminement très long pendant des années, qui l'a amené à des regards sur le monde que je crois assez proches des vôtres. Voilà. Alors, il y a une question qui, depuis des années, me vient à l'esprit, et je suis content de pouvoir vous la poser. Parce que je l'ai remarqué, cette question, pendant longtemps, dans des milieux différents et dans des cadres complètement différents. Je vous rappelle deux choses. La première, c'est l'avancée de la science, les découvertes qu'elle a faites et qui nous permettent de voir le monde de façon foncièrement différente de ce qu'on pouvait encore en penser il y a au moins 50 ans. Et d'un autre côté, en dépit de tous les moyens d'information, de tout ce que notre époque arrive à susciter par la radio, la presse, aujourd'hui la télévision et même les satellites, j'ai le sentiment qu'une part infime de ce que la science a trouvé ou découvert parvient au grand public d'une façon profonde. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des slogans qui arrivent, mais il n'y a pas de changement profond, semble-t-il, dans la façon dont nous regardons le monde. Et en disant récemment les résultats d'une enquête aux États-Unis, d'un journal d'ailleurs assez sérieux, puisque c'est le journal de l'Université de Princeton, on dit dans ce journal que 47% de la population pense aux États-Unis que le monde a été créé par Dieu il y a 10 000 ans. Alors au fond, est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu désespérant ? Non, ce n'est pas désespérant, mais ça pose problème. Vous savez, ces vieux regards sont véhiculés par des mots de tous les jours. Je crois que chaque fois qu'on dit « le soleil se couche », où j'ai assisté au lever du soleil, on dit une crétinerie, qui fait passer l'idée que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre et qui va se lever et se coucher. Or, on le sait bien, théoriquement, c'est la Terre qui tourne. Mais il n'empêche que, dans les phrases, on admet encore que le soleil agit en se levant et en se couchant. Et par conséquent, dans la représentation intérieure de la plupart des gens, c'est le soleil qui tourne. Et c'est un petit peu la même chose du point de vue de l'âge de la Terre. 10 000 ans, ça semble beaucoup, alors qu'on sait maintenant que c'est infime. Mais dans une lettre de Teilhard de Chardin, donc cet homme très informé de la théorie de l'évolution, il se plaint que ses collègues jésuites n'arrivent pas à le croire quand il leur dit que la Terre a plus de 10 000 ans. Pour eux, ils en sont encore à la Bible, avec Adam et Ève, il y a, je crois que c'est 6 000 ans avant Jésus-Christ, peu importe, il y a un calcul très simple que l'on fait en comptant les générations qui nous mènent jusqu'à Adam. Et ça arrive comme ça, disons, quelques milliers d'années, c'est presque rien. Mais pensez que, en fait, la réalité, c'est que l'homme est apparu il y a des centaines de milliers d'années ou des millions d'années, que la vie est apparue il y a des milliards d'années. Je crois que ce sont des idées qui n'arrivent pas à pénétrer les consciences. C'est très difficile. Et dans mon domaine, puisque je suis généticien, je me bats contre une phrase que nous disons tous, « les enfants que j'ai faits ». Et il faut dire, monsieur, vous êtes, ou madame, vous êtes incapable de faire un enfant. Ce que vous savez faire, c'est soit des spermatozoïdes, soit des ovules. Et les enfants que vous avez eus ont été faits par un ovule qu'elle avait fait et un spermatozoïde que vous aviez fait. C'est complètement différent. Et ça met en évidence qu'il y a, entre moi et mes enfants, un échelon intermédiaire, ce qu'on appelle des gamètes, ovules et spermatozoïdes. Et ça change tout. Mais malheureusement, la simple phrase « les enfants que j'ai faits » camoufle cette réalité. Donc, le langage que nous employons camoufle les concepts totalement nouveaux que nous apporte la science. Et ce que nous avons de la peine à comprendre, c'est à quel point, et vous l'avez dit, la science vient de renouveler complètement notre regard sur le monde. Et là encore, Il faut se battre contre une idée que tout le monde dit. Moi, je suis sérieux. Moi, monsieur, je regarde avec mes yeux. Je crois ce que mes yeux me disent, etc. C'est la phrase la plus bête que l'on puisse prononcer. En fait, mes yeux ne me disent rien du tout. Mes yeux me disent qu'il y a du rouge, du bleu, du jaune. C'est tout, que ça bouge ou que ça ne bouge pas. C'est mon cerveau qui transforme ces couleurs ou ces mouvements en une explication. Même voir le soleil, c'est déjà une activité cérébrale, car ce que l'on voit, c'est une tache qui est lumineuse et dont on ne sait pas s'il est toujours la même. Donc l'appeler le soleil, même nom que celui d'hier ou que celui de demain, c'est déjà un effort intellectuel formidable. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour passer d'une tache qui bouge et qui est très lumineuse à un soleil qui est toujours le même. Eh bien, on ne voit qu'à travers ces concepts. Et c'est une idée rarement dite. On regarde le monde avec des concepts et pas avec des sens. Car un sens sans concept, c'est rien, absolument rien. Or, il se trouve, et c'est pour moi quelque chose de merveilleux, que nous venons de vivre un siècle de remise en cause complète d'à peu près tous les concepts. Je suis persuadé que dans quelques 500 ou 600 ans, on dira les gens du XXe siècle, comme ils ont eu de la chance, ils ont vécu la Renaissance. Bien sûr, il y a eu une première Renaissance avec Galilée, Copernic et quelques autres, mais pas grand-chose. On a changé quoi ? La place de la Terre, qui n'était plus au centre du monde, la notion de force ou la notion d'accélération, peu de choses. Tandis qu'au XXe siècle, on a tout changé. La matière, le temps, l'entropie, la vie, tout a changé. Et malheureusement, on ne s'en rend pas compte. Et j'aimerais que l'enseignement, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, qu'on dise aux enfants, vous avez une chance inouïe. Vous venez de vivre un siècle de remise en cause complète et on ne vous le dit pas. Et méfiez-vous, tous les mots qu'on emploie, ça revient à votre première phrase, à votre question, nous camouflent ce changement. Alors, bien sûr, 47% des Américains croient que le monde a 10 000 ans, mais pour eux, 10 000, vous savez, 10 000, c'est beaucoup. Ils ne se rendent pas compte de la différence entre 10 000 et 10 millions. Dites à des gens que, par exemple, on vient de s'apercevoir, d'après certaines théories, que le soleil ne va pas s'éteindre dans 5 milliards d'années, mais seulement dans 1 milliard d'années. Ou catastrophe ! C'est donc beaucoup plus proche qu'on l'imaginait, c'est vrai, 5 fois plus. Mais c'est quand même encore très, très, très loin. Et pour notre imagination, 5 milliards, 5 millions ou 5 000, c'est à peu près pareil. Il faut être mathématicien, écrire des zéros derrière les 1 pour s'apercevoir que ce n'est pas la même chose. Eh bien, en France, on s'est aperçu, je crois, il y a eu un livre qui est paru il y a 2 ou 3 ans, « Les Français sont-ils nuls ?» Je crois que c'était le titre. On s'est aperçu que un bon quart des Français pensaient que la vache et l'homme n'avaient pas d'ancêtre commun. Non, c'est pas possible. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, parmi les raisons données, c'est que la vache donne du lait. Alors là, j'ai pas bien compris. Et pourtant, l'homme n'en donnerait pas, paraît-il. Enfin, tout au moins dans l'espèce, la race féminine. Ou bien, est-ce que c'est la Terre qui tourne ou le Soleil qui tourne ? Il y avait un bon quart des Français qui pensaient encore que c'était le Soleil qui tourne. En fait. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, effectivement, ces visions sont rassurantes, les visions traditionnelles ? D'abord, elles sont de nature religieuse. Ce sont, disons, des mythes qui ont la vie dure, parce que en même temps que l'histoire du Soleil ou de la Lune ou de la Terre, ils racontent autre chose. En fait, ils racontent notre naissance à l'image de Dieu. Alors, peut-être que la science, je m'excuse de dire la science, disons que les découvertes scientifiques ne nous proposent plus de miroir de nous-mêmes. Si nous admettons, ce que j'admets volontiers, que nous sommes dans un monde où les galaxies sont par milliards et sont à des milliards d'années-lumière, où est notre miroir ? Désormais, nous n'avons plus. C'est-à-dire, on est en train de dissoudre le dernier lien, j'allais dire presque affectif, qui, dans les traditions, donnait un sens à notre vie dans l'univers. Alors, je trouve ça grandiose, magnifique, et moi, je suis ébloui, et je suis heureux de vivre ce siècle. Je me souviens toujours que dans un livre d'astronomie de 1930, un astrologue qui devait s'appeler Lucien Rouault, et qui avait fait ce livre, et disait, d'après les découvertes, que la surface de la Lune devrait être couverte d'une fine poussière, étant donné les chutes de météorites qu'elle a dû subir, et donc que si on débarquait un jour sur la Lune, on trouverait une fine poussière. Et j'ai noté en marge, en 1932, « Saurais-je un jour si c'est vrai ?» Eh bien, il y a eu la réponse, En 1969. Donc, ceci pour vous dire que ce siècle est prodigieux. Hein, ce siècle est prodigieux sur ce plan-là. Également, il a donné des réponses à des choses ou des visions qu'on peut avoir enfant, comme l'intérieur du corps humain, par exemple. Il y a un voyage fantastique dans le corps humain qui, maintenant, sont menées courantes avec le microscope électronique. Mais tout cela, disons que ça peut aller avec quelqu'un qui a un certain besoin ou sens de la poésie. Moi, je n'ai pas peur de ne plus avoir de sens dans un monde où il y a des milliards d'étoiles. Mais est-ce que la raison inconsciente, et je me demandais si ça vient enfin de la, je dirais, de l'inertie de la religion, non pas en tant que religion, mais en tant que système mythique qui explique la création du monde, est-ce que ça vient d'une inertie de la religion, ou est-ce que ça vient peut-être du sentiment inconscient que si l'on suit, ou si l'on admet simplement, sans même les approuver, si l'on admet l'état actuel des découvertes, on va rompre le dernier, comme disait l'abbé Breuil d'ailleurs à Théard du Chardin, justement, il disait, nous sommes en train de rompre le dernier lien qui nous relie à l'homme du néolithique. Est-ce qu'on va, on rompt aussi peut-être ce lien, et on se trouve donc dans ce que Sioran appelait le désert infini et lumineux du néant. Ah, bien sûr, c'est douloureux de changer de miroir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais on va tomber sur un plus beau miroir. On était sur une sorcière, un miroir qui déforme. Et j'espère qu'on est sur un miroir qui est moins déformant. Et je vais être tout heureux d'être face à moi-même devant le miroir nouveau que me donne la science du XXe siècle. Vous avez raison. Pourquoi est-ce que, par exemple, au temps de Galilée, on a refusé, l'Église catholique romaine a refusé l'idée de la Terre qui était simplement une planète autour du Soleil. C'est pas pour des raisons astronomiques, ils s'en foutaient de l'astronomie. C'est pour des raisons métaphysiques, parce que Dieu était venu sur la Terre avec Jésus-Christ. La rédemption, c'est un événement formidable, cosmique. Voilà que Dieu, tout d'un coup, envoie dans l'univers matériel son Fils. Il va quand même pas l'envoyer sur une petite planète de rien du tout. Quelconque. Et par conséquent, la grande impossibilité, c'était d'admettre que Jésus-Christ, Fils de Dieu, était venu ailleurs que sur le centre du monde. Ce n'était pas possible. On raconte d'ailleurs que le pape de l'époque aurait dit à Galilée, dans un coin, « Écoutez, du point de vue astronomique, probablement vous avez raison, ça semble assez évident votre histoire, mais je m'en fous, il ne faut surtout pas le dire. » Parce que vous remettez en cause le concept même de Jésus-Christ. C'est de Jésus-Christ qu'il était question avec Galilée. Ce n'était pas de la Terre et des étoiles. Parce que c'est une vision, et Jésus-Christ est donc, et pour moi, chrétien, c'est important Jésus-Christ. Mais justement, il faut le voir autrement. Complètement autrement, c'est une remise en cause bien plus profonde qu'on ne l'imaginait. Ce que nous apporte Galilée, c'est en fait une remise en cause de la définition de l'homme. Et ce que nous apporte la science du XXe siècle, c'est justement ça. Et c'est là où je crois pouvoir vous dire que la science du XXe siècle me donne une vision de moi-même bien plus émerveillante que celle d'avant. Je suis encore plus content d'être un homme quand je définis l'homme à travers la science de cette fin de siècle que quand je le définissais au temps du Moyen-Âge ou même de Théard de Chardin. Je suis bien plus beau qu'on ne l'imaginait. Alors, de quoi je me plaindrais? Seulement, il faut accepter de tout remettre en cause. Vous parliez par exemple des changements conceptuels qui nous déroutent. Mais songez qu'un mot important, c'est le mot temps, la durée, etc. Et la durée débouche très rapidement sur le concept d'éternité. Tout le monde en parle de l'éternité. L'éternité, c'est quoi? C'est un temps qui n'en finit pas. Eh bien, c'est faux. Voilà que le XXe siècle, à coup d'équation, nous dit que c'est faux. Et le plus étonnant pour moi, c'est malheureusement jamais dit, c'est qu'une belle équation d'Einstein, revue par Schwarzschild, nous permet de montrer que le concept d'éternité ne tient pas debout. Là, bon, tant pis pour les auditeurs que ça embêtera, mais il faut faire l'expérience suivante, expérience par la pensée, comme le disait Einstein, une Gedanken Experiment. Alors, vous allez vous promener près d'un trou noir, parce que vous êtes un homme curieux, vous vous êtes promené partout. Pas trop près quand même. Hein. Alors, passez pas trop près. Mais, alors j'imagine que curieux comme vous êtes, mais au fond vous avez tort, parce que vous verrez rien, rien ne part du trou noir. Vous allez dans une fusée près d'un trou noir. Et moi, astucieusement, et pour vous jouer un mauvais tour, je mets en panne votre fusée. Comme vous allez être attiré par le trou noir, vous allez tomber dedans. Et ça va mal se terminer, comme vous l'imaginez, car une fois dans le trou noir, vous allez avoir une densité telle que... un trou noir, c'est un corps dont la densité est telle que la masse entière de la Terre tient dans un centimètre cube. Il faut vraiment que ce soit vraiment très, très, très dense. Bon, On pensait, quand on a découvert ça à coup d'équation, que ça n'existait pas. Maintenant, on est bien persuadé que ça doit exister dans la réalité. Donc, vous êtes près d'un trou noir. Et près de ce trou noir, tout d'un coup, vous n'avez plus de moyen de lui échapper, puisque votre fusée, je viens de la mettre en panne. Et comme consolation, j'imagine que vous sortez de votre formulaire l'équation d'Einstein et vous calculez, compte tenu de la distance initiale, de votre masse, de la masse du trou noir, le temps de la chute. Et vous tombez sur 8532 secondes. Bon. Eh bien, je peux vous affirmer, je crois que je gagnerai mon pari, que si vous regardez votre montre en arrivant dans le trou noir, vous vous direz « Ah, oh, quel bonheur, mes calculs sont justes, ma chute a duré 8532 secondes. » Bon, tout va bien. Mais moi, je vous regarde de loin pour voir ce qui vous arrive. Et je vous vois tomber dans le trou noir. Vous tombez d'abord de plus en plus vite. Et puis vient un moment où vous tombez de moins en moins vite. La vitesse de chute se ralentit. Elle tend vers zéro. Et vu par moi, la durée de la chute dans le trou noir dure un temps infini. Vous n'y arrivez jamais. Donc le même événement, vécu par deux personnages parfaitement sensés, avec des sens qui sont les mêmes, avec des montres qui sont les mêmes, qui mesurent avec la même précision les durées. Le même événement dure 8000, je ne sais plus combien de secondes pour vous, et dure une éternité pour moi. Non pas parce que les montres sont modifiées par l'attraction ou je ne sais quoi. Non, les montres ne sont pas modifiées. C'est le temps qui est modifié. C'est l'écoulement du temps qui est modifié. Alors voilà qui est grave, c'est que le temps ne s'écoule pas de la même façon quand on est près d'un trou noir et quand on est loin d'un trou noir. Mais là, l'éternité de l'un, c'est 8000 secondes pour l'autre. Vous vous rendez compte? C'est que là, on est peut-être moins loin alors qu'on ne le pensait de ce qu'on pourrait appeler la théologie. Parce que l'éternité est une donnée fondamentale des religions. Des théologiens. Et sans qu'elle s'interroge, enfin, plus qu'elle ne le pouvait sur la nature du temps dans l'éternité, ça surprendrait peut-être moins des penseurs des premiers siècles. Je pense à Origène, qui a quand même écrit sur le temps des choses assez intéressantes, puisqu'il suppose des temps multiples en fonction de l'état intérieur de la matière humaine. Selon le temps des anges n'étant pas le temps des hommes, et le temps de ce qu'ils appelaient les iliques, c'est-à-dire les hommes les plus matériels, ceux qui, précisément, n'ont pas d'élévation spirituelle ou même de croyance. Et puis le temps des pneumatiques, qui sont des hommes qui ont déjà en eux un souffle qui les rapproche de Dieu. Le temps des anges, et puis les créatures intermédiaires. Tout ce temps-là, pour lui, était des temps différents. Alors, le trou noir ou les découvertes contemporaines sont peut-être moins choquantes ou bouleversantes parce que l'éternité n'est pas une invention, bien sûr, des scientifiques contemporains. C'est un thème assez ancien. Et je dirais que ce que vous venez de me dire, on pourrait l'imaginer dans des romans de science-fiction de ce siècle également. Sauf que c'est effectivement une réalité probable. Alors, en vous écoutant et en pensant à cette inertie des mots, qui définissent les choses et qui font qu'on, effectivement, on utilise un vocabulaire périmé pour parler d'un monde qui, lui, a changé radicalement dans sa nature, je pense que même le mot « galaxie » devrait être changé, alors qu'il est employé d'une façon tout à fait courante, parce que « galaxie », ça veut dire « lacté sans », n'est-ce pas? Ça vient de la voie lactée, c'est... Ce sont des univers lactescents. Et tout simplement, à la suite de la mythologie orphique, qui dit les orphiques, ces sectaires, mais sectaires au sens noble du terme de la Grèce ancienne, avaient une mythologie très intéressante où le monde était né d'un œuf primordial, très chaud et très dense, qui à un moment s'est fissuré. Et par cette fissure, le vitellus, disons, qui se trouvait à l'intérieur, s'est répandu dans l'univers, créant donc à la fois et l'espace et le temps. Et ils en voulaient pour preuve les filaments qu'ils voyaient dans la nuit, c'est-à-dire la Voie lactée. Et s'ils l'avaient su, d'ailleurs, les autres galaxies lointaines, qui seraient autant de filaments émiettés de l'œuf primordial. D'où ce terme de galaxie, qui n'est pas gênant du tout astronomiquement parlant, mais auquel on ne pense plus du tout lorsqu'on emploie, qu'il signifie des univers lactescents qui se multiplient en infini. Mais je pense effectivement que être émerveillé par le monde tel qu'il se révèle, parce que c'est une nouvelle apocalypse au sens étymologique, apocalypse ça veut dire le dévoilement, n'est-ce pas, la révélation, le monde tel qu'il se révèle est passionnant. Mais pour être émerveillé par ce monde, ça veut dire aussi qu'il faut, en somme, avoir tranché ou avoir supprimé ou s'être détaché de ces liens qui nous ramenaient, j'allais dire, à un univers qui nous paraît aussi petit, aussi mesquin et je dirais aussi renfermé que, par exemple, c'est presque demander à un papillon de redevenir chenille, ou à un insecte de redevenir, de se nymphoser. Et c'est vrai que la science a éclaté les dimensions du temps et de l'espace, de telle sorte que désormais, nous sommes comme en plein vent solaire ou galactique. Nous ne sommes plus protégés par des mythes qui finalement faisaient de la Terre un cocon unique que Dieu avait élu et qu'il était venu sauver. Et nous ne sommes effectivement plus non seulement un cocon, on a brisé la carapace, on a brisé la cosse, on pourrait dire, des mythes, mais en même temps, on nous a aussi mis en face, je dirais, de tous les autres mondes qui peuvent être semblables, parce que j'avais souvent des discussions autrefois qui étaient peut-être de la science-fiction, moi j'appelle ça de la théologie-fiction, en disant, comme le pensait Giordano Bruno, qui est un homme tout à fait remarquable et qui a été brûlé parce qu'il disait que la Terre n'était pas le seul monde habité et que le monde était constitué de quantités de planètes et de soleils qui étaient les étoiles. Et voici un homme qui est mort sur un bûcher pour avoir dit tout simplement une chose qui s'est révélée vraie des siècles plus tard. Eh bien, il faut penser à ce moment-là que si on veut donner raison aux théologiens, il y a eu autant de rédemption, de réincarnation et autant de Christ qu'il y a de terres habitées avec des êtres anthropoïdes ou hominiens. Et là, vous voyez, on est peut-être dans le dernier point de jonction entre la théologie et la science moderne. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez chrétien. Et moi, j'ai beaucoup apprécié dans vos livres à la fois le sentiment que vous avez des convictions et en même temps que le monde qui est le vôtre, celui de la science, et celui du nouveau regard sur le monde, ne semblait pas être en contradiction profonde avec votre croyance. Pour moi, être chrétien, ça ne correspond à aucune croyance. Ça correspond simplement au constat que quelqu'un, qu'on appelle le Christ, a dit quelque chose qui n'était pas évident. Il a parlé d'amour, point. Le reste ne m'intéresse pas. C'est assez gratuit de raconter des histoires pareilles. Dire « aimez-vous les uns des autres », c'est parfaitement gratuit, c'est pas prévu par la nature. Et pour moi, c'est ça que je vois dans le mot chrétien. C'est quelqu'un qui rajoute à la réalité du monde, telle que peu à peu, on la découvre, on la révèle, et bien qui rajoute cette dimension supplémentaire d'amour. C'est ça être chrétien. Et ça, c'est pas une donnée immédiate. Par contre, je m'émerveille de ce que la science me donne. Quand vous dites « je sors du cocon », oui, mais c'est moi l'homme qui suis sorti du cocon. Je suis le seul sur la Terre, en tout cas, à savoir que le Soleil, c'est une étoile, et j'en suis une planète. Les autres animaux s'en fichent complètement, ils ne se posent même pas la question. Moi, je suis l'animal qui se pose des questions, et qui, de temps en temps, trouve des réponses, et qui vient d'en trouver des quantités. Et cette capacité que j'ai, depuis quelques centaines de milliers d'années, à m'interroger et à trouver des réponses, bien sûr, à chaque fois, ça me pose problème, ça m'enlève quelques mythes, mais j'en reconstruis d'autres, car la science est une série de mythes, mais de mythes qui se présentent comme provisoires, comme révisables. Songez au mythe qu'est le Big Bang. On sait bien que c'est une façon de raconter des choses, mais l'histoire du Big Bang est extraordinaire, puisque on a pris la main dans le sac. L'homme que j'admire le plus au monde, bien sûr, Albert Einstein, on a pris la main dans le sac à être victime des idées reçues. Je sais que s'il y avait quelqu'un qui n'acceptait pas les idées toutes faites et qui les remettait en cause, c'était bien lui. Or, Einstein développe sa théorie de la relativité générale en 1915-16, et qu'est-ce qu'il découvre ? Que sa théorie doit être bonne, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle n'a appliqué à l'ensemble de l'univers, elle n'a pas de solution stable. Autrement dit, il n'y a pas de on ne peut pas expliquer que l'univers soit stable. Or, comme il imagine, lui, comme on l'a toujours cru, que l'univers était stable, il dit donc « mon équation n'est pas bonne ». Il rajoute un terme supplémentaire, qu'il a appelé la constante cosmologique, pour qu'il y ait une solution stable à son univers. Et ça n'est que 12 ans plus tard qu'on s'aperçoit que l'univers, effectivement, n'est pas stable. Alors, ce qui est à la fois merveilleux et un peu inquiétant, c'est que s'il avait cru en sa propre pensée, il découvrait avec un crayon et un papier, sans rien regarder, il découvrait que l'univers est en expansion, ou en contraction, lui, ça lui était égal, mais de toute façon, n'était pas stable. Donc l'idée que l'univers n'est pas stable, le constat que l'univers n'est pas stable, pouvait être fait simplement par le pur raisonnement. Einstein est allé presque jusqu'au bout, et au dernier moment quand même, il a calé, il a dit « c'est pas possible, comme l'univers est stable, c'est mon équation qui est fausse ». En fait, son équation était juste. Oui. Bon. Et puis après, on découvre que l'univers n'est pas stable. Mais c'est quand même merveilleux de penser que notre esprit a cette puissance-là, car si Einstein l'a trouvé, c'est qu'un autre homme aurait pu le trouver. Non, mais ça tout à fait. Simplement, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que le cheminement actuel, hein, de la, que ce soit les mathématiques, l'astronomie, moi je ne les connais que superficiellement, mais ils vont effectivement vers un monde plus incertain et plus instable. Il quitte là encore, ou il se détache fondamentalement de ce qui était le besoin des civilisations plus traditionnelles, qui était toujours un ordre, où tout est à sa place, où les anges sont bien quelque part, les démons aussi, les anges en haut, les démons en bas, entre les deux les hommes. Et ce monde-là, non seulement il s'écroule, il se perturbe, mais plutôt il éclate. Et maintenant, on a des principes d'incertitude dans le domaine de la physique élémentaire, on a le domaine de l'instabilité de l'univers en tant que tel, qui sont des choses, moi, qui ne m'effraient pas du tout, au contraire, mais qui sont vraiment une opposition complète à ce qu'a été la tentative d'image rassurante, cohérente, de cet univers à la fois riche, subtil, mais qui garde en lui quelque chose qui est fermé. L'idée d'un univers infini, par exemple, n'aurait pas peut-être surpris des théologiens, mais il faut toujours que dans la pensée théologienne, il y ait quelque chose qui soit une volonté, qui s'affirme par un ordre et qui parvient jusqu'à l'homme. Alors que là, c'est un peu le contraire, c'est l'homme qui est en train de défaire, comme on se démaillote au fond, progressivement, d'une carcasse ou d'un carcan inutile, ou tout au moins qui longtemps nous a protégés, parce qu'il nous a donné rigidité, cohérence, chaleur, mais dont maintenant nous pouvons nous passer. Je me demande si on n'est pas en train de devenir à une époque adulte, si la science ne nous rend pas vraiment adultes. Et alors la notion d'adulte est une notion difficile, mais c'est-à-dire à affronter enfin maintenant, sans parapet mythique, sans, je dirais, garde-fou théologique, la réalité qui, enfin la réalité ou les réalités qui nous est proposée, c'est-à-dire l'instabilité fondamentale, l'incertitude nourricière, je dirais presque nécessaire, et d'une façon générale, un monde où il faut trouver nous-mêmes notre ordre et non pas l'attendre, ou des particules, ou des éléments qui nous sont proposés. Vous me faites bien plaisir, votre mot démailloté est merveilleux. Pour moi, on est enfin entré dans la compréhension que ce monde était imprévisible, autrement dit, que demain n'existe pas encore, que demain n'est pas compris dans aujourd'hui, et que par conséquent, je peux prononcer le mot « liberté ». Nous avons parlé de ce nouvel état de l'univers qui est précisément un état à la fois incertain, instable, qui sont finalement des données assez positives, qui nous obligent à la réflexion, qui nous obligent à, je dirais, à nous détacher un peu des habitudes, de ce sentiment que tout était coordonné, cohérent, fini, mesurable. Alors il y a aussi une chose sur le temps qui est très importante, c'est le fait que parmi ces données rassurantes, qui étaient la certitude ou qui étaient d'une façon générale le fini ou la finition de l'univers, son ordre donc, il y a aussi l'emprise sur le temps. Une grande partie de la religion a consisté à vouloir prédire, à vouloir connaître l'avenir. Alors, la science aussi aujourd'hui, je crois, tend à faire éclater ces notions de hier, de demain, d'aujourd'hui. Et il y a deux mots qui sont importants. Il y a un mot qui est souvent employé, que vous, alors vous êtes tout à fait en état de m'expliquer ou de me définir. Ce sont deux mots, l'un qui est le mot aléatoire et l'autre le mot imprévisible. Est-ce qu'ils ont un rapport entre eux ? Ah, pour moi, oui. Aléatoire, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien de quoi ça dépend. On connaît les possibles et on ne sait pas quel sera le réel. Alors, on raisonne en probabilité. Et par conséquent, on imagine que l'aléatoire est simplement un état de méconnaissance de la réalité. Il suffirait de connaître un peu mieux pour pouvoir prévoir. Or, ce que nous savons, et depuis ce siècle seulement, c'est que jamais on ne pourra tout prévoir. Et je crois que là, il y a un progrès considérable de la pensée qui a été apporté par un mathématicien, Henri Poincaré, qui change tout, et malheureusement, je m'aperçois que personne ne le sait. Il s'agit au fond du déterminisme. Le déterminisme, c'est la matière première de tous les raisonnements scientifiques. Je lâche, ça tombe parce qu'il y a une cause, donc il y a un effet. La cause, c'est la gravitation. L'effet, c'est que ma montre tombe si je la lâche. Bon. Et un scientifique, un philosophe connu du début du 19e, Laplace, avait décidé que, du coup, notre univers était totalement prévisible. Il disait, si on connaissait tout de toutes les particules de l'univers, toutes leurs caractéristiques et toutes les forces qui sont à l'œuvre, eh bien, connaissant le présent, on connaîtrait l'instant d'après, puis l'instant d'après, puis etc. Autrement dit, l'avenir est contenu dans le présent. Et on raconte que Bonaparte, écoutant ça, lui avait dit, mais monsieur le professeur, quelle place faites-vous à Dieu dans votre représentation de l'univers ? Réponse, Dieu est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin, ce qui est au fond très cohérent. Par contre, on aurait pu dire à la place, mais quelle place me faites-vous à moi ? Moi, je suis fait de particules et par conséquent, tout ce qui se passe en moi, les mouvements des molécules à l'intérieur de mon cerveau ou des particules de ma langue qui me permettent de parler, tout ça, c'était prévisible dès hier, avant-hier et même avant. Et par conséquent, je n'ai aucune liberté. Autrement dit, il y avait cette vision au XIXe siècle que, du moment qu'on croit au déterminisme, tout le monde doit plus ou moins y croire à l'époque, eh bien, le monde est prévisible. Or, au début de ce siècle, Henri Poincaré prend un problème très simple. Il prend ce qu'il appelle le problème des trois corps. Il dit, je crois à la formule de Newton qui m'explique que quand il y a la masse du Soleil et la masse de la Terre, il y a une force d'attraction, la gravitation, ça attire la Terre auprès du Soleil et du coup la Terre décrit une belle ellipse. Mais il n'y a pas que les deux corps, Terre et Soleil, il y a aussi la Lune. Donc j'ai trois attractions, la Terre et le Soleil, la Terre et la Lune, le Soleil et la Lune. J'ai donc un système de trois équations. Ça va être compliqué, dit-il. Mais je suis très bon en maths, c'est vrai qu'il était bon en maths, je vais bien trouver la solution. Il rentre chez lui, il se met au boulot, et il ne trouve pas la solution. Il trouve beaucoup mieux. Il démontre qu'il n'y a pas de solution. Alors ça, c'est quelque chose de formidable. Il ne dit pas, ben, un jour viendra où on sera assez bon en maths pour trouver la solution. Non, il démontre qu'aucune solution n'est possible. Parce que le problème est tel qu'il suffit de la moindre erreur sur la position actuelle de la Terre et de la Lune pour qu'elle soit multipliée par je ne sais combien dans quelques millions d'années. On a fait le calcul récemment. Si vous posez la question où sera la Terre dans 200 millions d'années, il faudrait connaître le point de départ, c'est-à-dire la position actuelle du centre de gravité de la Terre et de la Lune, avec une précision qui est plus petite que la dimension d'un noyau d'atomes. Autrement dit, ça n'a pas de sens, c'est pas possible, définitivement impossible. Mais est-ce que c'est pas au fond le type de du faux problème ou de la fausse question, alors, ça ? C'est le problème, non, de l'instabilité des déterminismes à partir du moment où ils sont multiples. Quand il n'y a qu'une force, tout va bien. Mais dès qu'il y en a trois, alors quand il y en a beaucoup plus, le monde devient imprévisible en nature. Il n'est pas possible de définir demain quand on connaît simplement aujourd'hui. Il faudrait une précision qui n'a pas de sens et par conséquent, ça ne veut rien dire. Nous sommes dans un monde où l'ange, je crois que c'est ça la phrase essentielle, dans un monde où l'enchevêtrement de plusieurs déterminismes aboutit à une imprévisibilité fondamentale et définitive. Et comme moi je le sais, et que dans la nature, au moins localement, je suis le seul à le savoir puisque je suis un homme, eh bien, je peux prétendre être libre. Si bien que le mot de liberté, qui était une invention de poète, hein, de philosophe fumeux, eh bien non, ça devient quelque chose de sérieux. Puisque l'univers qui m'entoure n'est pas prévisible, je peux prétendre intervenir à l'intérieur. Et voilà que ce que nous apporte un mathématicien, c'est un espace de liberté. Après quoi, il faudra le remplir. On va demander aux psychologues ou aux philosophes de nous aider à faire ça. Mais au moins, l'espace est libre. Alors qu'avec les physiciens du 19e siècle, il n'y avait pas d'espace de liberté. Vous parliez de poète et de hasard. Mallarmé a écrit un poème qui s'appelle « Un dé jamais n'abolira le hasard ». Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Pour en revenir à la comparaison du dé, je me demande en même temps, parce vous le citez souvent, cet exemple du dé, n'est-ce pas ? On le jette, alors on ne sait pas quelle sera laquelle des six faces va tomber, mais si on connaissait la puissance, la gravité, la vitesse du vent. Mais est-ce que ça ne serait pas absurde de jouer au dé en sachant à chaque fois le chiffre qu'on va avoir ? C'est fini, les casinos. C'est fini de ce que représente le dé lui-même, n'est-ce pas ? Mais ça n'a plus d'intérêt. Donc finalement, là aussi, je me dis, une science ou une connaissance qui nous dirait à chaque fois quel est le chiffre qui va arriver, ou ce serait bien aussi pour tous les jeux de hasard, serait tout à fait presque démoniaque, puisqu'elle abolirait le sens même, n'est-ce pas, du jeu. C'est-à-dire que le hasard est consubstantiel, ou disons l'aléa est consubstantiel au jeu d'idées. Alors c'est pour ça que c'est dans ces comparaisons, moi je me range plutôt du côté de Mallarmé que du côté des mathématiciens, en disant, eh bien tant mieux qu'il y ait du vent ou pas quand on joue au dé, que la Terre tourne dans un sens ou dans un autre, parce que c'est quand même le poète quand il dit qu'un coup de dé jamais la balayera le hasard. Mais le mathématicien qui me, vous aide qui me rend... Alors très souvent les poètes rencontrent les mathématiciens, n'est-ce pas, Ils vous aident à croire. Ils s'écartent. Mais je crois que là, il y a une intuition qui est quand même qui va plus loin que dans le plaisir de faire, sinon un jeu de mots, en tout cas, je dirais une association. Et dans le cas de Mallarmé, souvent j'ai remarqué qu'il est... Il a dit d'ailleurs, et il a à plusieurs reprises dit que les mathématiques étaient une forme pour lui déconcertante mais certaine d'une poésie chiffrée. Ce qui est une formule assez intéressante. Vous savez que, sans vouloir nous écarter un peu de notre sujet d'imprévisibilité, dans le cas de l'écriture par exemple, le problème de ce qui serait prévisible ou pas dans l'écoulement d'une phrase qui est toujours structurée fatalement par une syntaxe, enfin, à moins de mettre les mots bout à bout sans aucun sens. Mallarmé était très habile à cela, d'autant qu'il avait un maniement extrêmement subtil des ellipses, des métaphores, et il passe pour un poète relativement difficile, hermétique, a-t-on dit, ce qui veut dire simplement qu'il utilise un langage quasi chiffré. Qu'est-ce que c'est que l'hermétisme dans la tradition, que ce soit la philosophie ou que ce soit les images et la poésie, c'est finalement l'introduction d'un code, autrement dit des mathématiques à l'intérieur du langage. Alors quand même, il faut se rassurer sur les liens entre Mallarmé et l'obscurantisme et puis les codes et l'hermétisme. Un jour, il avait quelqu'un de sa famille qui mariait sa fille. Et il était en voyage, alors il est revenu, bien sûr, pour assister à la cérémonie. Et puis, il aimait beaucoup faire des poèmes de circonstances, qu'il a d'ailleurs appelé ainsi et publié ainsi. Et ce jour-là, il fait un poème, donc, un poème de louange au marié. Et ce poème, il le lit. Et alors, tout le monde est très content. Et l'un de ses amis lui dit, « Mais c'est tout à fait extraordinaire. J'ai compris tout. » Tout ce que tu as écrit, tu as écrit un poème limpide. Pour une fois. Et Mallarmé lui dit, écoute, mon cher ami, on m'a prévenu trop tard, je suis arrivé au dernier moment, je n'ai pas eu le temps d'être obscur. Ce qui est une très jolie réponse, ce qui veut dire que l'obscurité, ou tout au moins ce qui apparaît comme l'obscurité, est une dimension supérieure qu'on ajoute à un langage qui, par ailleurs... peut avoir ses deux faces. D'ailleurs, dans la tradition, on a toujours dit que vous parliez du Christ de l'amour, enfin qui parle de aimez-vous les uns les autres. En réalité, l'altruisme, par exemple, aussi est une forme, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appeler la forme un peu codifiée de l'amour? Est-ce qu'il n'y a pas dans tout ça l'introduction de quelque chose qui nous échappe peut-être, mais qui est le besoin de recourir à une autre dimension, les mathématiques par exemple, pour arriver à faire en sorte que les attitudes, les sentiments, les réactions aient une dimension supérieure. Est-ce que ce n'est pas comme on fait dans l'algèbre où il y a 1, 2, 3, 4 degrés? Est-ce que, au fond, et je repense donc au lien entre Mallarmé et les mathématiques, et à ce domaine de l'aléa, de l'imprévisible, est-ce que dans tout ça, les mathématiques n'ajoutent pas quelque chose qui enrichit un événement qui, par ailleurs, serait tout à fait banal? Ah, je crois. Je crois, parce que c'est vrai du langage, c'est vrai des mathématiques. Pour moi, l'erreur mathématique la plus profonde, c'est quand on ose dire aux enfants « 2 et 2 font 4 », il faut leur dire « 2 plus 2 font 4 ». Alors ça, 2 plus 2 font 4, et tout le monde s'en fiche, ça n'a aucun intérêt, puisque avec le 2 plus le 2, on a déjà le 4. Par contre, 2 et 2, ça c'est des vraies mathématiques, on ne sait pas ce que c'est, puisque le « et » n'implique pas une addition, mais implique une interaction. Et quand il y a interaction, eh bien, il faut faire des mathématiques beaucoup plus subtiles pour savoir ce que ça va donner. Et qu'il faut passer justement de l'arithmétique toute bête du 2 plus 2 à la mathématique subtile du 2 et 2. De l'addition, qui est encore très particulier, au fond, sans intérêt, son dérisoire, à l'interaction qui peut aboutir à n'importe quoi. Eh bien, c'est, je crois, vrai aussi, comme vous l'évoquiez, dans le langage. Le chat mange la souris, au fond, oui, ça donne une information, mais c'est pas riche. Tandis qu'à partir du moment où vous créez des assonances, où vous créez autre chose, que vous faites appel à l'imagination de celui qui écoute, alors ça devient riche. Et nécessairement, il y a un code. Je lisais hier la phrase, on entendait en vous écoutant, de Louise de Villemorin qui écrit quelque part « Je t'enlacerai, tu t'enlaceras ». Bon, évidemment, le verbe « enlacer » et le verbe « lasser » ne s'écrivent pas de la même façon, mais ça se prononce de la même façon. Entre « enlacer » et « lasser », on peut jouer comme ça. Mais c'est à ce moment-là que le langage devient intéressant. Mais c'est justement ces niveaux successifs qui font que, parce que tout d'un coup, il y a une règle du jeu supplémentaire qui s'introduit, alors il y a liberté, donc il y a création. Car finalement, quand on transmet une information... Si on ne transmet qu'une information, ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'il faut, c'est transmettre une information plus un questionnement supplémentaire. Et c'est ce qu'arrivent aussi à faire les mathématiques. Je dirais que l'avantage de la science, même dans son aspect parfois rigoureux que sont les maths, c'est qu'elle débouche sur des questions nouvelles auxquelles on n'avait pas pensé. Mais vous parliez de l'imprévisible au début. En même temps, ce qui est paradoxal, c'est que une grande partie de ce qu'on appelle la science s'établit au contraire dans la prospective, c'est-à-dire éprouve toujours le besoin de calculer prévoir. Et de prévoir, hein, ne fût-ce que la météo, par exemple. Alors, parlez-moi un petit peu, dites-moi comment vous construisez les rapports entre la météorologie et l'imprévisible. Ah ben, je crois que c'est le plus bel exemple, car en fait, connaissant l'état de l'atmosphère terrestre aujourd'hui, connaissant la quantité d'énergie qui va s'en aller pendant la nuit, qui va revenir pendant le jour, etc., en connaissant bien toute la mécanique des fluides, il n'y a qu'à mettre dans des ordinateurs toutes les pressions, les températures, etc., toutes les informations sur l'état de l'atmosphère, et en déduire son état demain. Mais ça, c'est que ça conforte ce que disait Laplace, alors. Ça conforte Laplace seulement, on s'est aperçu d'une chose depuis. C'est que si je fais une erreur sur la température à Paris aujourd'hui, une erreur d'un centième de degré. Si je veux continuer comme ça de jour en jour, je m'aperçois que cette erreur est multipliée par 300 au bout d'un mois. Donc par 300 au carré, ce qui fait 90 000 au bout de deux mois. Et au bout de cinq mois, ça fait un nombre fabuleux. Autrement dit, si je voulais connaître l'état de l'atmosphère terrestre dans cinq mois, il faudrait que je connaisse l'état aujourd'hui avec une précision tellement grande que ça n'a plus rigoureusement aucun sens. Il faudrait connaître le milliardième de degré, ce qui est rigoureusement impossible. Alors du coup, les météorologistes ont imaginé d'ailleurs une très jolie image, ils se disent, c'est Lorentz, leur grand patron, qui dit ça, pour prévoir le temps qu'il fera demain, il faut que je tienne compte de toutes les causes de changement de la pression, et notamment des battements d'ailes, des corbeaux, un corbeau qui bat des ailes. Papillons en Amazonie, n'est-ce pas ? Alors du coup, il reste le fameux papillon qui, à l'autre bout du monde, bat un coup d'aile de plus que j'avais prévu, et qui fait que, et c'est vrai, le cyclone ne se déclenche pas à l'heure que j'avais prévu, ni à l'endroit mais que j'avais prévu. Mais vous pensez que c'est pas simplement une métaphore comme ça ? Non, c'est pas simplement une métaphore. Que ça peut avoir une causalité réelle Ah oui, mais ça correspond tout simplement au fait que, à cause de l'enchevêtrement de tous ces déterminismes, chaque erreur est multipliée par un tel facteur que même si elle semble petite au départ, elle rend les résultats que l'on obtient complètement dépendants. Donc ça confirme en fait que là encore, on est devant un faux problème, une fausse question. On ne connaîtra jamais le nombre de battements des ailes des papillons à travers le monde. Et donc, je crois que les météorologistes sont persuadés que même si on avait des ordinateurs les plus fabuleux mettant des centaines de milliards d'informations et à la toute vitesse, on ne pourrait jamais prévoir le temps dans 15 jours, je crois. 15 jours, ça semble être le maximum qu'on atteindra peut-être dans quelques jours. Donc nous sommes vraiment dans un monde imprévisible. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que ceci est vrai, et c'est encore un cadeau du XXe siècle, pas seulement dans le côté des méthodes de connaissance de la réalité, mais aussi dans les méthodes de raisonnement. Pour moi, je crois que le théorème de Gödel, qui est malheureusement difficile à démontrer, mais qui est essentiel, c'est une très belle histoire, l'histoire du théorème de Gödel. On s'est aperçu à la fin au début du XXe, que les mathématiciens disaient des sottises en ce qui concerne la théorie des ensembles, en évoquant le fameux ensemble de tous les ensembles. Ils disaient au fond, nous sommes ici cinq dans une pièce, nous sommes un ensemble. Mais on pourrait parler de l'ensemble de toutes les réunions qui est dans Paris, puis l'ensemble, etc. Donc on peut emboîter les ensembles les uns dans les autres, jusqu'à ce qu'on arrive à l'ensemble de tous les ensembles. Et Russell, qui était un jeune garçon à l'époque, démontre que l'ensemble de tous les ensembles, ça ne peut pas exister. Autrement dit, il démontre que les mathématiciens disaient des sottises. Les mathématiciens, à ce moment-là, se disent, on est pris la main dans le sac à faire des erreurs de raisonnement, or on est payé pour ne pas se tromper. Donc faisons attention. Et du coup, ils mettent en place toute une technique pour ne plus se tromper, c'est l'axiomatique, au fond. Quelles sont les règles de logique qui nous permettront de ne jamais nous tromper. Alors il y a par exemple le fameux syllogisme, si je dis tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est immortel, c'est faux. Donc Socrate est mortel, c'est vrai. Donc il nous faut des règles permettant de dire devant chaque affirmation, c'est vrai ou c'est faux. Eh bien, ces règles, on les met les unes au bout des autres, jusqu'en 1932, où M. Gödel démontre que la liste des règles qui nous permettraient de dire en face de chaque affirmation « c'est vrai ou c'est faux », cette liste est infinie, elle ne sera jamais complète. Il faudra toujours rajouter des règles. Alors ça, c'est assez étonnant. Autrement dit, vous fondez, par exemple, l'arithmétique, avec quelques règles, quelques axiomes, vous fondez les nombres, 1, 2, 3, 4, jusqu'à, etc., puis après l'addition, soustraction, tout ce que vous voulez. Et si je vous dis 2 plus 2 égale 5, vous dites faux. 2 plus 2 égale 4, vous dites vrai. Bon, vous êtes content. Mais si je vous dis tout nombre pair, tout le monde sait ce que c'est qu'un nombre pair, peut être décomposé en la somme de deux nombres premiers. Vous savez, les nombres premiers sont ceux qui sont divisibles que par eux-mêmes et par 1. 3, 7, etc. Vous apercevez qu'effectivement, ça marche. 10, c'est 7 plus 3. 100, c'est 53 plus 47. 1000, c'est je ne sais pas quoi plus un autre. À chaque fois, ça marche. Eh bien, ça a été découvert, ça, en 1756, par un brave homme, M. Goldbach. Et il a écrit au plus grand mathématicien de l'époque, Euler, en lui disant « Est-ce que c'est vrai ou faux que tout nombre pair peut être décomposé en la somme de deux nombres premiers ?» Euler lui a répondu en lui disant « Ben oui, ça a l'air vrai, j'ai essayé, ça marche, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si ça marchera toujours. » Eh bien, on en est toujours là, ou à peu près. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Autrement dit, peut-être qu'un jour, on va démontrer que c'est indémontrable. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de contre-exemple, mais qu'on ne sera jamais sûr qu'un peu plus loin, il n'y en a pas. Alors voilà quelque chose qui, moi, me remplit de bonheur, je dirais. C'est que, moi, l'homme, j'ai inventé l'arithmétique, l'addition, les nombres premiers, les nombres pairs, tout ça, j'ai fait ça bien tranquillement. Et puis, tout d'un coup, les objets que j'ai créés, les nombres pairs et les nombres premiers, me semble avoir une propriété dont je suis incapable de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Ils me font un pied de nez. Ce sont mes créations, et elles me font un pied de nez. Alors je suis fier, parce que le vrai créateur, c'est celui qui fait des créatures qui lui jouent des mauvais tours. Une créature qui fait ce qu'on lui a dit de faire, c'est pas drôle. Mais une créature, par exemple, les nombres pairs et les nombres premiers, qui ont entre elles des connivences dont je ne peux pas savoir si elles sont vraies ou fausses, ben ça prouve que j'ai fait des êtres un petit peu subtils. C'est très étrange, c'est qu'ils aient des propriétés que je ne peux pas savoir. Est-ce que ce n'est pas être apprenti sorcier un peu, ça, déjà? Oui, c'est magnifique. Déjà. Alors, si on est apprenti sorcier avec les chiffres, c'est peut-être pas trop grave. Mais je me posais la question, à Genève, là, au CERN, c'est-à-dire au Centre européen de recherche nucléaire, que j'ai visité il y a quelques années, en faisant pas le tour complet, parce qu'il fait 28 km de circonférence, mais une partie de l'anneau souterrain où se trouvent les accélérateurs de particules. Et l'ingénieur, on m'en parlait, m'expliquait un peu tout ça. J'étais toujours un peu surpris, en même temps émerveillé, là encore, qu'on découvre des particules dont la vie est de l'ordre de 3 millionièmes de seconde, par exemple. Enfin, c'est effectivement un monde tout à fait fascinant. Mais là encore, l'impression était que... Est-ce que c'est nécessaire de continuer à chercher, puisque chacun semble penser que plus on aura des accélérateurs puissants, plus on découvrira de nouveaux éléments, et qu'à chaque nouveau élément impliquera un nouvel accélérateur pour aller plus loin. C'est-à-dire que la matière n'aurait, au fond, pas de fin, d'une certaine façon. Comme il semblerait que l'univers lui-même n'en a pas non plus. Alors on est entre deux infinis, finalement, j'allais dire, peu accessible, si ce n'est sous des formes extrêmement fugitives. Et donc là encore, on est plus que dans l'instable et l'imprévisible. Il faudrait presque trouver un nouveau mot pour ça. C'est plus que l'incertitude, l'instabilité, l'imprévisibilité. Est-ce qu'on n'est pas prêt de justement, j'allais dire comme la chambre secrète de Barbe Bleue, est-ce qu'on n'est pas tout près là de ce qui a toujours passé pour le dernier lieu de la connaissance cachée ? Et dont la clé pourrait être à la fois ou celle du paradis ou celle de l'apocalypse. Car vous faites souvent allusion à ça. Vous dites qu'on a mis ce qui est juste entre les mains maintenant de la... Non pas des hommes, mais de quelques savants, ou de quelques hommes d'État qui pourraient en disposer, des moyens de destruction fondamentaux. Oui. On recherche quelque chose qui fuit. Ah, qui fuit. On en aura jamais fini. D'ailleurs, l'expansion de l'univers, c'est tout à fait, effectivement, très très révélateur par rapport à l'image que je prenais du cocon, de celle de nos ancêtres lointains, qui étaient si heureux, j'allais dire que le cocon de la Terre, c'est comme l'hélico breton. Et alors, les découvertes, nous, encore une fois, nous enlèvent, nous retirent cette closerie de nos mythes. Et ils nous retirent tout cela en nous mettant en face de ce que vous dites, les particules inaccessibles, insondables et presque invisibles. Un univers qui s'étend dans des dimensions telles que les chiffres eux-mêmes ne semblent plus avoir de sens. Et d'une façon générale, quelque chose qui, un jour ou l'autre, sera encore plus difficile à saisir que la plus subtile des toiles impressionnistes. Au fond, c'est à la fois quelque chose qui nous émerveille, et c'est en même temps quelque chose dont il faut bien dire qu'il est déconcertant. Aussi déconcertant que d'être dans des sables mouvants où brusquement il n'y a plus de haut et de bas. Enfin, oui, mais d'autre part, ça fait partie de la dignité. Il faut des gens aguerris. Absolument. Mais ce que j'aime bien dans vos livres, c'est que ça propose au fond de s'aguerrir à ces visions-là. Et de ne pas se réfugier. De la dignité humaine. De ne pas se réfugier tout le temps dans des visions belles, confortables, mais au fond faussement rassurantes. Alors, voyez, moi, ce que j'admire, par exemple, c'est que vous parliez de ces particules qui vivent un milliardième de seconde, peu importe, un millionième de seconde. Alors, on en connaît, par exemple, dont on mesure la durée de vie dans ces grands appareils du CERN à Genève. Mais ces mêmes particules, on en voit qui arrivent de l'espace. Et quand on voit une particule qui est dans le CERN à Genève, on la fait naître par une collision quelconque, elle vit un millionième de seconde. Mais quand on la voit arriver de l'espace, il se trouve qu'elle va vite. Elle va pas loin de la vitesse de la lumière, un tout petit peu moins. Eh bien, au lieu de vivre un millionième de seconde, elle vit 20 millionièmes de seconde. Mesurée par nous, elle vit beaucoup plus longtemps. Et c'est exactement ce qu'avait prévu la relativité d'Einstein. Parce qu'elle bouge par rapport à nous, elle vieillit moins lentement. C'est un concept que l'on n'avait pas accepté. C'est le fameux paradoxe des jumeaux. Vous savez, quand deux jumeaux ont le même âge, bien sûr, l'un va se promener et revient. Quand il revient, il est plus jeune que celui qui est resté. Ça paraît complètement absurde. Eh bien, c'est une des conséquences de la théorie de la relativité restreinte. Et c'est mesuré par les fameux muons, qui, quand ils bougent vite, eh bien, ils vivent 20 fois plus longtemps. Pour nous qui mesurons, eux, ils vivent bien sûr le même temps, vu par eux. S'ils ont une montre, ils vivent un millionième de seconde. Mais nous qui les regardons passer, nous les voyons vivre 20 millionièmes oui, de secondes. Oui, c'est là qu'on approche. Enfin, le temps n'est pas le même. L'univers de Borges, vous savez, il y a cet écrivain argentin, il a tout de même approché ses faits, effectivement, d'une façon différente. Mais non pas l'instabilité, mais je dirais l'inadéquation des temps différents. Il y a des temps différents. Est tout à fait passionnante. Mais on est encore, j'allais dire, dans le fantastique scientifique. Alors, j'en profite pour vous poser une question à propos d'un de vos livres, là, Au péril de la science. Vous insistez beaucoup sur les dangers que représente précisément le fait de détenir des possibilités de destruction de façon limitée, mais qui peuvent entraîner des destructions illimitées, notamment les bombes et les centrales nucléaires. Alors, il y a une petite phrase qui m'a alors fait, je ne vais pas dire sursauter, mais qui m'a surpris, à propos de la variole. Vous dites que un des acquis indiscutable de la science contemporaine, c'est d'avoir pratiquement supprimé les épidémies, notamment la variole, qui aujourd'hui, effectivement, est rayée, n'est-ce pas, de la Terre. Mais il y a une petite phrase où vous dites, 1977, date où le dernier cas de variole a été constaté, ne mérite-t-il pas de remplacer dans nos mémoires, et c'est très intéressant comme proposition, Marignan 1515 ou 1418, Première Guerre mondiale. C'est vrai qu'il y a des dates fondamentales dans notre évolution qui ne sont pas connues, et cette date est peut-être la plus importante que la bataille de Marignan. Dans notre existence, ce n'est même pas comparable. Mais à un moment, vous dites que le virus de la variole a totalement été balayé de la surface de la Terre, il n'est plus présent que dans 7 laboratoires où il est soigneusement gardé prisonnier dans quelques flacons de verre. Et pourquoi est-ce qu'on le garde ? Parce que si par hasard, il y en avait un qui réapparaisse quelque part, il faudrait pouvoir refaire rapidement des vaccins. Et pour faire des vaccins, il faut avoir des souches. Et par conséquent, la raison officielle pour laquelle on a gardé ça, c'est de pouvoir faire des vaccins. Mais on voit tout de suite le danger dont j'ai pas parlé dans ce livre. Oui, c'est ça. Le danger ça, évident, oui. C'est que moi, par exemple, qui veux être un dictateur dans un coin et veux dominer le monde, je vais, sans le dire, mettre un vaccin contre la variole en même temps que les autres vaccins que je fais aux petits-enfants de chez moi. Une fois que je sais que toute la population française est bien vaccinée contre la variole, j'ouvre mon tube. Et les Italiens, les Suisses, les Allemands ou les Russes qui ne sont pas vaccinés, hop, disparaissent. Oh, mais ça, vous êtes romancier, là. Ah ben, oui, je suis romancier, mais ça devient extrêmement dangereux. Oui, bien sûr. Bien voilà, sûr. Voilà la nouvelle guerre, c'est ça. Parmi toutes les incompréhensions dont la science est parfois la cause, ou plutôt l'objet, et le fait donc que ces idées, ces découvertes, ces visions parviennent très difficilement dans notre compréhension, notre sensibilité quotidienne. Quand c'est l'astronomie ou la géologie, c'est ennuyeux, mais ce n'est pas dramatique. Mais quand il s'agit des sciences de la vie, et notamment de la biologie, de la génétique, c'est beaucoup plus grave parce que ça nous met en question très radicalement. Ce qui me surprend et je dirais me déconcerte tout le temps, c'est que depuis, on peut dire, l'après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il n'est pas prouvé que, précisément, le racisme, notamment, n'avait pas de sens. Il n'avait pas de fondement, j'entends. Je ne dis pas qu'il n'a pas de sens, hélas. Mais il n'avait pas de fondement rationnel et scientifique. Et pourtant, comme pour la vision du monde qu'on peut avoir, comme pour ceux qui, encore aujourd'hui, pensent que le monde a été créé, comme la Genèse décrit, il y a 6000 ans, par Dieu, qu'Adam et Ève ont grandi dans un paradis, il y a aujourd'hui encore énormément de gens, hélas, qui ne se font pas du tout à l'idée qu'il n'y a pas de hiérarchie, de différence fondamentale entre les êtres humains, si ce n'est des différences qui sont dues, bien sûr, aux cultures et aux différentes conditions, à la fois géographiques, historiques, dans lesquelles les hommes ont grandi ou ont vécu. Vous dites ça très très clairement dans vos livres. Et pourtant, chaque jour, y compris dans des journaux, dans la presse et dans des médias, on continue à utiliser un vocabulaire pas seulement périmé, mais dangereux, parce qu'il entretient des notions fausses concernant, d'une façon générale, le problème des races, d'un côté, et par ailleurs, la question des dons, la question de l'hérédité. Et là encore, peut-être que ça reviendrait un peu à l'idée que les notions traditionnelles nous rassurent, alors que l'idée que tous les hommes, au fond, appartiennent, vivent une aventure commune, aventure de leur origine, aventure de leur destination, et qu'ils ont, je dirais, une personnalité capable dans tous les domaines de la vivre ensemble, que cela aussi rompt les barrières rassurantes qu'avaient créées les religions, les patries, les États, les institutions, pour nous faire croire qu'il y a des cloisons, qu'il y a des différences et qu'il y a des supériorités. Alors, que peut-on faire pour faire en sorte que ce qui sont aujourd'hui des évidences, on pourrait même dire des certitudes de la quasi-totalité des savants, arrivent au niveau où arrivent à la, oui, je dirais, dans la vie quotidienne, arrivent à habiter l'esprit de la plupart des auditeurs ou des lecteurs, ou tout simplement de tous ceux qui aujourd'hui se posent ces questions. Là, je me le demande, parce que depuis des années et des années, on dit au fond, qu'est-ce que ça veut dire le concept de race ? Bien sûr, un Sénégalais, c'est pas fait comme un Suédois, il n'y a qu'à regarder, donc il y a les Noirs et les Blancs. Mais si on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire de groupe homogène, et par conséquent, le concept de race, je reprends le mot de François Jacob, est un concept non opérationnel pour l'espèce humaine, pour des raisons d'ailleurs que l'on connaît parfaitement bien. Donc n'en parlons plus. Mais vous savez, dire que le concept de race ne signifie rien n'est absolument pas un moyen de lutter contre le racisme. Parce que le racisme, c'est ce que vous avez évoqué, ça correspond à tout autre chose. Ça correspond à un désir de se rassurer. Je ne suis pas comme ces gens-là. Et comme je ne suis pas comme eux, je suis supérieur à eux. Et très rapidement, on remplace la différence par la hiérarchie. Autant de raisonnements stupides, mais qui sont tellement rassurants. Moi, j'appartiens, moi, français, je suis quand même de la meilleure race du monde, etc. C'est d'une stupidité totale, mais ça fait tellement de bien, ou ça protège tellement, quand on n'a pas d'autre protection, que mon Dieu, ça passe. Et malheureusement, c'est confirmé en permanence. Mais vous savez, c'est presque lutter contre le racisme que de lutter, par exemple, contre la façon dont sont représentées les généalogies dans tous les livres de classe et dans les autres. Quand vous voulez faire la généalogie d'un roi, vous mettez Monsieur le roi par un carré, Madame la reine par un rond, un trait horizontal qui les réunit pour marquer que c'est un couple procréateur, un seul trait vertical et puis, en dessous d'un autre trait horizontal, tous les petits enfants. Or, ça, c'est un une représentation qui est une représentation de notaire. C'est vrai quand il s'agit de la transmission du patrimoine, mais ce n'est pas vrai quand il s'agit de la transmission des gènes. Car quand on fait un enfant, on peut très bien lui envoyer les gènes qu'on a déjà envoyés à un autre. Alors qu'on ne peut pas donner la fortune à l'un quand on l'a donnée à l'autre. Eh bien, la représentation des généalogies par ce dessin est une représentation qui, au fond, est exactement à l'opposé de ce qu'il faudrait dire pour représenter la transmission génétique. C'est vrai au niveau du couple, c'est vrai aussi au niveau d'une population. C'est bien que je ne sais plus par quel bout prendre le problème du racisme pour que tout le monde comprenne bien que, bien sûr, le petit noir qui est dans la classe, il a la peau noire, mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et très rapidement, on s'aperçoit qu'on mélange des traits de couleur, des traits de forme de nez ou de cheveux, à des traits de caractère, à des traits de culture. Ce sont des gens qui ne comprennent pas. Et pour moi, le vrai racisme, c'est le racisme à l'intérieur des écoles qui sépare ceux qui comprennent de ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui sont faits pour les études et ceux qui ne sont pas faits pour les études. Il y a un mot au Québec épouvantable qu'ils ont inventé là-bas. Heureusement, il n'est pas encore venu en France. J'ai peut-être honte d'ailleurs, j'ai tort de prononcer. Oui, je suis en train de l'avoir. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas l'employer. Non, il ne faut pas l'employer. C'est un vrai poison. C'est le mot douance. La douance. On dit d'un enfant, oh, il a de la douance, cet enfant-là. Oui. Ça veut dire qu'il est doué. Il est doué. Puis celui d'à côté, il n'a pas de douance. Or, on n'a jamais la preuve qu'un enfant souffre dans des cas pathologiques, d'enfants qui ont un cerveau qui ne fonctionne pas du tout. On ne sait jamais quelle est la douance. Oui, parce qu'en général, je crois quand en français on dit qu'un enfant est doué, en fait on sous-entend que ce sont des gènes qui le donnent. On sous-entend que c'est un don qu'il a reçu sa conception. Que l'on soit fait en fonction de tous les dons qu'on a reçus, je suis bien d'accord, mais la plupart des dons, ils ne sont pas venus le jour de la conception. C'est là qu'il faut revenir à cette idée. Le jour de ma conception, j'ai été fait par un ovule et un spermatozoïde et non pas par un monsieur et une dame. Et tout ce que j'ai reçu du point de vue recette biologique, c'était dans l'ovule et le spermatozoïde. Ça me sert en particulier à lutter contre le fameux droit du sang. Ça fait bien partie du racisme, ça. Est-ce que vous êtes français par le sang? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je suis français par l'ovule et le spermatozoïde qui m'ont fait. Or, je regrette, on aurait beau les analyser, cet ovule et ce spermatozoïde, jamais on saura qu'ils étaient français. C'est pas possible. Par conséquent, la notion de droit du sang est une notion moyenâgeuse. Et dès que l'on dit « on va mettre un peu de droit du sang avec un peu de droit du sol, etc. », on dit une énorme connerie. C'est affreux de dire des choses pareilles. Ça suppose que le spermatozoïde qui m'a fait brandissait un drapeau bleu-blanc-rouge et que l'ovule chantait la Marseillaise pour l'attirer. C'est pas sérieux. Alors qu'il faut admettre que dès que l'on parle de droit du sang, on est contre toute oui, mais notion voyez, génétique. Exemple, c'est un exemple très intéressant de ce que vous dites. C'est ahurissant, d'un côté, que ce soit aussi évident, et d'un autre, que ce soit encore mais il y a des hommes politiques. Ils le savent, alors ils le font exprès dans ces cas-là, de se servir d'un terme dont ils savent qu'il n'a aucune signification et qu'il n'a qu'une valeur démagogique. Uniquement démagogique, seulement c'est tellement pratique. Et il me semble que ce qu'on appelle dans ce domaine, les vérités scientifiques, devraient au moins servir de tremplin contre cela, contre la démagogie, et contre, non pas contre les idées ou les options des uns et des autres, mais contre celles qui prétendent reposer sur des bases scientifiques alors qu'elles n'y reposent pas du tout. C'est ça. Que l'on dise, ben, sont français seulement les gens qui ont ceci, qui ont cela, ben, je veux bien. Mais ça paraîtra tellement arbitraire qu'on n'osera pas. Tandis qu'on s'abrite derrière une fausse formule scientifique, puis le mot sang a de telles connotations que, du coup, ça fait passer. Et je crois que c'est tout à fait scandaleux qu'effectivement des gens informés osent utiliser des mots pareils pour faire passer des opinions qui, par ailleurs, sont discutables, mais qui ne sont pas justifiées par ces mots techniques. Non, je crois que la seule solution, comment lutter contre le racisme? La seule solution, c'est l'éducation. Mais vous savez, pour tous les problèmes qui se posent aujourd'hui, il n'y a qu'une solution, l'éducation. Mais alors pour ça, il faut avoir des instituteurs qui soient eux-mêmes formés, etc. On n'en finit pas. À propos du racisme, vous donnez un exemple non seulement intéressant, mais je dirais amusant, mais et en plus qui est véridique. Il se trouve que moi-même, j'avais beaucoup pensé à cela autrefois. Bon, un des signes du pseudo-racisme, en tout cas du faux racisme qui a existé longtemps, c'est la couleur de la peau. Parce qu'évidemment, c'est ce qui est immédiatement visible. Alors que, comme vous le dites, tous les êtres humains ont dans leur sang de la mélanine à des doses différentes qui, effectivement, se manifestent davantage chez les Noirs que chez les Blancs ou chez les Asiatiques. Mais j'avais cru comprendre que le noir, la couleur noire, j'entends, est une couleur qui absorbe la chaleur, alors que la couleur blanche la renvoie. Donc vous dites une chose tout à fait évidente, mais qu'au fond, je ne crois pas qu'on y ait toujours réfléchi en profondeur, qu'il est tout à fait désolant que les Noirs vivent en Afrique, d'une certaine qui façon. Qui vivent dans des pays chauds. Qui vivent en pays chauds, parce qu'il faudrait qu'ils soient blancs pour en souffrir moins. Et que vous dites qu'il serait beaucoup plus bénéfique à un Suédois qu'à un Sénégalais d'avoir la peau noire. Et oui, parce qu'il absorberait 30% d'énergie, il a toujours froid, le malheureux, au moins ça le réchauffe. Alors là, on est devant une évidence qui est à la fois intéressante et amusante, à savoir qu'il n'y a pas, je dirais, de logique ou d'adéquation entre le climat et la couleur de la peau et les lieux géographiques de la Terre. Normalement, ça devrait être l'inverse. Ça pourrait être l'inverse. Alors il y a d'autres raisons. Là, c'est uniquement une question d'absorption de la chaleur. On peut évoquer aussi la capacité de la peau noire à mieux résister aux rayons ultraviolets, etc. Mais il y a, vous savez, une des explications qui n'est qu'une proposition d'un collègue de Stanford aux États-Unis, qui est de dire, quelques milliers d'années, nous étions tous noirs. Ce qui est naturel, c'est de fabriquer de la mélanine en grande quantité et donc d'être noir. Et puis, il y a eu des mutations, il y a quelques 10 000 ans, qui ont fait que certains individus fabriquaient moins de mélanine. D'ailleurs, quand on a une mutation totale, on est albinos. Mmh. Alors, il y a eu des pauvres gens qui étaient un petit peu gris, ils n'étaient pas bien noirs. Alors, du coup, il y a eu une espèce de racisme contre eux. Et naturellement, quand vous êtes bien noir, que vous avez une fille noire, vous ne la donnez pas à un affreux gris qui est mal foutu. Alors, ils se marient entre eux, les gris. Et puis, il se trouve qu'on les a refoulés vers le nord, là où il fait froid, et que là, ils ont inventé l'agriculture, ils se sont mis à manger des céréales qui ne contiennent pas de vitamine D. Et par conséquent, il fallait qu'ils la fabriquent eux-mêmes, la vitamine D. Or, on la fabrique plus facilement quand on a la peau blanche, qui est-à-dire transparente aux rayons ultraviolets, que quand on a la peau noire. Si bien que quand on a la peau noire, on fabrique moins cette vitamine. On s'en fiche, on mange toutes sortes d'autres choses qui en contiennent. Mais dès qu'on se met à manger des céréales, c'est bien avantageux d'avoir la peau claire. C'est une hypothèse. Alors, peu à peu, à mesure qu'on a mangé des céréales, on est devenu plus blanc. Mais vous savez, c'est une hypothèse parmi d'autres. Ça montre en tout cas que tout ça n'a aucun intérêt. Mais un des bons arguments aussi contre le racisme, c'est ce qui s'est passé, je crois, pendant la guerre de 14-18, quand les Français et les Anglais ont envoyé des troupes pour se battre contre les Turcs aux Dardanelles. Et dans les troupes françaises, par exemple, il y avait naturellement des Indochinois, comme on disait, des Algériens, des Sénégalais, etc. Et c'est une des périodes où il y a eu naturellement beaucoup de pertes, beaucoup de blessés. On a commencé à faire des transfusions de sang. Et tout naturellement, les médecins ont commencé à faire des transfusions entre Indochinois, entre Sénégalais, entre Algériens, entre Français de l'Hexagone, jusqu'au jour où on s'est aperçu que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire des transfusions entre ceux qui avaient le groupe A, ou le groupe B, ou le groupe O. L'important, ce n'était pas la couleur, l'origine, c'était le groupe. Et que bien souvent, il valait mieux faire une transfusion entre un Sénégalais A et un Français A qu'entre un Français. Oui, bien sûr. C'est évident. Mais là, ça montre à quel point notre vision est complètement faussée par un regard qui ne sait pas interpréter. Si notre œil savait voir le groupe sanguin, on aurait une toute autre vision des races.